T'as mis un peu d'autotune? Ouais, mets un peu d'autotune, s'il te plaît. Chercher fiché, solo pompe la péter, c'est moi qu'on vient chercher fiché. Je moula moula moula moula moula moula, ouais moula moula moula moula moula moula. Mes ennemis dorment, les ennemis calent. Follow me quand je m'ennuie, sinon bye bye. Tu connais déjà le débat, solitaire fait des dégâts. Tu connais déjà la personne, je serai plus jamais comme personne. Je suis posé dans le bail, je suis posé dans le bail, je suis posé. Posé dans mon bail paper. Oh aïe, t'abuses, toujours dans ta bulle. Pourquoi on m'accuse? Je pense à faire ma thune. Je reste là, posé de tête. Posé dans ma bulle, posé, posé dans ma bulle. Solo dans ma bulle, solo, solo dans ma bulle. Posé dans ma bulle, posé, posé dans ma bulle. Solo dans ma bulle, solo, solo dans ma bulle. Posé dans ma bulle paper, c'est moi qu'on vient chercher fiché. Solo pompe la péter, c'est moi qu'on vient chercher fiché. Je pense à faire ma thune, je reste là posé des terres.